pour le moment, Gérard, malheureusement, les Prodigy, il n'y a pas de nouvelles, pas de nouvel album. Ça te touche, Gérard, peut-être? Bon, non, pas trop. Pas spécialement, je veux bien le croire. Bon, mon petit GG. Ouais. On va appeler Millennium Productions. On rappelle quand même, tu peux me redonner, s'il te plaît, le courrier qu'on a reçu qui m'a pas fait plaisir. Non. Avant d'appeler. Je vais le lire. Alors, je rappelle, Millennium Productions et José Productions vous présentent les nouveautés vidéo. Donc, professeur Cousin et toutes ses infirmières, colonel GG se fait exploser le cul à l'obus, maître Gérard se rend à la barre, d'accord, dans la collection Haute Tribunal. Alors, ensuite, il y a un autre film vidéo qui vient de sortir qui s'appelle Cuny sans les dents, Tatailler la marionnette à Levrette. Le plombier Gérard et son petit tuyau. Commissaire Gérard vous met dans son trou. GG baise avec Carlos. Gérard et Bernadette vous font la visite de l'Elysée. Ça surlutte avec Jean-Luc de la Cousin. Et la grande partouze avec Bourmoin et Gérard. Donc on rappelle leur cadeau. En plus de cet achat d'une cassette vidéo, pour 15 euros de plus et l'achat d'une cassette vidéo, on vous envoie une photo de Sandy à poil pour débander. Pour 35 francs de plus, pour 35 euros de plus d'achat, un morceau de la tôle de la Mercedes de Lady Di, plus le porte-clé coton-tige, et pour plus 80 euros d'achat, une reproduction de la radio des tassements de Fertep de Gérard, plus une boîte de préservatifs goût Heineken, lue et approuvée par Gérard, l'enculé de Nanterre. Chaud. Bon, c'est chaud, Gérard. Bah lui, on va voir qui va se faire enculer, celui-là. Alors moi, je tiens à dire tout de suite que quand j'ai reçu ça, ça m'a pas fait plaisir, que ça va directement dans le dossier pour les avocats de Fun. Il y a marqué... Il y a quoi? Les avocats crevettes de Fun. Les avocats crevettes de Fun. Alors, merci. Il y a des remerciements, c'est vrai. Donc, on ce monsieur qui a fait cette vidéo, remercie 1664. Ouais. Hein? Il y a des trucs qu'il faut pas lire peut-être. D'accord. Donc je vais faire attention à ce que je vais lire. Alors 1664, Roselyne. Ah ben. D'accord, il recommence, ok. Non mais c'est bien. Il recommence. Je crois qu'il... J'ai mis le nez dedans. Ouais. D'accord, ok. Donc j'ai pas fait gaffe. Non mais. Laurent, Éric de Nanterre, le cuisinier du foyer, Henri, Jamila, Christine, José Productions et tous ceux qu'on a oubliés. Et cet enfoiré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ce José Productions, Millennium Productions, on a le numéro de téléphone portable de ce mec. Et on va appeler le numéro de portable de Millennium Productions, dit José. Et toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Ça m'étonnerait qu'il nous écoute parce que je sais que c'est pas. On appelle à l'étranger. Hein. Donc, Gérard. Oui, il a encore changé de numéro. Non, mais fais-toi passer pour un mec qui est intéressé par les vidéos. On va le baiser le con. Tu dis surtout pas qu'il est en direct à la radio. Millennium Productions, bonsoir. Oui, bonsoir. Je serais intéressé par la commande. Faut parler plus fort, monsieur, je ne vous entends pas. Oui, mais là, je suis à l'étranger, donc j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir des commandes. Vous avez reçu notre nouvelle feuille avec les vidéos et les cadeaux? Non, pas reçu feuille, moi, veux justement avoir production, moi. Fais pas le con, Gérard. Il m'entend pas, Gérard. Heureusement, le mec ne m'entend pas. Gérard, arrête de faire le con, on va essayer de le baiser. Alors, si tu fais le con, vas-y, baise-le. Ah, ce serait pour faire une commande. Oui, bah oui, mais monsieur, je vous ai demandé si vous aviez reçu notre feuille. Comment vous avez eu notre numéro de téléphone si vous n'avez pas reçu notre feuille? Bon, Gérard, il m'entend pas. Dis-lui que t'as reçu la cassette vidéo Cuny sans les dents, que tu aurais la cassette qui s'appelle Cuny sans les dents. Et j'ai reçu une cassette... Non, tu veux la cassette, que tu veux la cassette. Je voudrais la cassette Cuny sans les dents. Oui, c'est une cassette très belle. Vous avez fait un très bon choix. Je peux vous conseiller aussi peut-être Gérard et Bernadette vous font visiter l'Elysée puisqu'il nous a avoué qu'il s'était fait Bernadette. Non, mais moi je veux juste ce cassette-là, c'est tout. Cuny sans les dents. Oui, c'est un très très beau, très très belle cassette. Demande-lui s'il peut. Il m'entend pas, heureusement, parce que j'ai bien appuyé sur un bouton. Est-ce que tu peux lui demander au mec là, Gérard? Tu peux parler, il m'entend pas là le mec, il nous entend pas. Demande-lui en plus de la cassette s'il peut t'offrir la cassette de Sandy à poil pour débander. Mmh. Vas-y. La photo. Ouais, vas-y, attention, on remet en direct. Allez-y. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, en plus de la cassette, ce serait possible d'avoir la photo de Sandy s'il vous plaît? Ah oui, mais alors il va falloir... Ouais, non mais j'avoue, dédicacé, hein. Oui, non, mais alors dédicacer, ça, c'est pas possible, mais... Moi, je veux pas le savoir, moi. Vous vendez des cassettes... On va voir ce qu'il peut faire. Non, mais moi, il n'y a pas d'on va voir, moi. Je vous fais la commande, paiement, ça y est, le paiement, il est parti. Moi, je veux pas le savoir, moi. Je la cassette plus la photo dédicacée. Très bien, mais je vous rappelle quand même... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler. On est en train d'enregistrer, on va le baiser, ce con. Je vous rappelle quand même que c'est écrit plus de 15 euros d'achat, hein. Donc une cassette est à 6,69 €, hein, comme la position 69. Mmh. Et ben vous achetez 3 cassettes. Ouais, moi je vous ai fait un mandat de 70 €, donc carrément vous pouvez avoir la photo et puis le morceau de tôle de la Mercedes et le porte-clé compte au prix, monsieur. Bon, Gérard. Bon, t'es trop mauvais acteur parce que le mec il est en train de croire que c'est un canular. T'as qu'à lui dire que dis-lui qui tu es et vas-y, baise-lui la gueule, vas-y. Ça vous dérange de savoir qui je suis là? Oui, vous allez peut-être me donner votre nom et puis votre adresse que je puisse vous envoyer les cassettes, monsieur. Ah bah oui, bah, tout à fait. Je suis le fameux Gérard sur qui vous êtes en train de faire des conneries. Monsieur Gérard qui habite à Suresnes. Oui, tout à fait. Qui n'habite plus. Qui habite toujours à Suresnes, monsieur. Non, il n'a plus de maison, monsieur. Monsieur, il habite toujours à Suresnes, donc vous êtes prêt. Nous avons eu des sources comme quoi il n'avait plus de maison. Déjà, il n'a plus de téléphone parce qu'il ne payait plus ses factures. Alors, Oui, vous êtes bien au courant de tout ça, monsieur. Ah oui, nous avons des sources internes. Comment ça se fait que vous avez des... Bon, Gérard. Rentre-lui dedans, parce que ce mec-là, apparemment, il a beaucoup de renseignements sur toi. Il nous entend pas quand on parle. Hein? Et vas-y, parce que là, on a l'impression que le mec, il va croire que c'est un canular ou que t'en as rien à foutre. Parce que le mec, il va sortir plein de cassettes, il va se faire du pognon, quoi, c'est clair. Rentre-lui dans l'art, ce connard. Mais ouais, t'es une vraie gonzesse, là. Attends, je vais te remettre, parce que là, le mec, on l'a mis en attente musicale. Il sait pas qu'on est en direct à la radio. Il le sait pas. Je te remets avec lui. Attention, je te remets avec lui. Allô? Oui. Ouais, alors... Oui, mais vous savez, monsieur, que moi, je sais beaucoup de choses sur vous. Hein. Par exemple, attendez. Parce que là, vous savez un peu trop ma vie privée, donc dans ce cas... Oui, mais je connais la position exacte de votre... Écoute. Gérard, laisse-le parler. Monsieur, je sais que vous avez 1,26 € sur votre compte. C'est un ami qui travaille à Fun Radio qui m'a donné un code pour voir votre compte sur Internet. Ça va être fil d'art encore, cet enculé. C'était un prénom, oui, c'était un prénom qui ressemblait un peu. Oui, c'est un prénom qui ressemble un petit peu à ça. Un petit peu quand même, vous foutez pas de la gueule du monde, là? Ah, juste de vous. Ça vous dérange pas de faire attention à la vie privée des gens? À la vôtre, non, mais à celle des autres, oui, ça me dérangerait. Donc ça, ça vous dérange. Ouais, vous savez ce que ça vous coûte, là? Là, pour le moment, ça me coûte rien parce que c'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non, mais en plus, vous me commandez des cassettes. Ça vous coûte un procès. Voilà, exactement, tac. Voilà. Et ça coûte combien, un procès, monsieur, ça coûte combien? Ça va vous coûter de 250 000 francs. Oh, vous m'en pas qu'un peu pour remonter le... Ça t'amuse, José? Là, rigole bien, mon con, parce que là, pour l'instant, tu savais qui c'était, là, sur l'antenne? Non, tu le dis pas, t'es en direct sur Fun, hein. T'es avec le fameux Gérard que t'es en train de faire chier. Non, monsieur. Je signale que t'es enregistré. Je ne vous crois pas, monsieur. Cassette, mon con. Et ça t'amuse de dire que Gérard, il a 1,26 € soit 0,19 € sur son compte? Ah, écoutez, monsieur, je ne dis que la vérité. Je dis selon mes sources. J'ai vu ça sur Internet avec un code qu'un monsieur qui travaille à Apple Radio m'a donné. Oui, bien sûr. Voilà. Bah bravo. Grâce à Fildar, maintenant, tout le monde peut avoir accès au compte de Gérard. Bah bravo, c'est du propre. Pas tout le monde, justement. Ah, mais bien sûr, mais t'inquiète pas que toi, mon lascar... T'inquiète pas, pouvez m'appeler Sébastien, c'est mon lascar. T'inquiète pas, t'es enregistré. Tout ce qui vient d'être dit, t'es enregistré, mon lascar. On va s'occuper de ton matricule. Non, mais m'appelle pas mon lascar. T'es enregistré, mon lascar, et demain, je mets ça au commissariat. Oui, c'est Sébastien, c'est pas mon lascar. Tu vas voir. T'inquiète pas qu'avec ton numéro de portable, mon petit, on va s'amuser. Ah, bravo. Attends. Qu'est-ce que t'as foutu? Merde. Oh, putain, il a pas enregistré. Merde. Oh merde, t'as un fil d'art, mais t'es vraiment un con. Hein. Ah monsieur Gérard, encore une fois, vous vous faites avoir. Hein. Voilà. Mais bien sûr, mais t'as raison, t'inquiète pas, Sandy, elle est pas à poil, et de toute manière, t'es enregistré de tout ce qui vient de se dire. Et n'empêche que monsieur, je vais vous dire qu'à vous que monsieur, je me fais... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler, allez-y, monsieur José. Je me fais... Non, c'est monsieur Sébastien, j'aime mieux. José, c'est une autre boîte de production. Alors monsieur Sébastien, dites ce que vous avez à dire. Eh ben, je me fais tellement de fric sur les premiers tracks que j'avais donné que je crois que je vais sortir carrément une troisième édition de cassette vidéo parce que monsieur Gérard dit l'enculé de Nanterre. Il fait gagner beaucoup de sous, hein, l'enculé de Nanterre. Il nous fait gagner des sous, hein. Vous savez, monsieur Gérard, avec le chômage de nos jours, faut savoir gagner de l'argent n'importe comment, hein. Oui, c'est ça. Mais vous savez bien, vous y êtes, vous, alors vous savez bien. Oui, non, mais on est tous dans la merde comme ça. Mais attends, après Sébastien, laisse le parler quand même. Oui, je le laisse. Une fausse signature, tu sais ce que ça te coûte? Ça va te coûter? Vous avez vu une fausse signature? Oui, alors là, je vais te dire, sur le document que j'ai. La fausse signature. Laisse-moi parler, Gérard, pour que j'explique. Sur le document que j'ai, monsieur Sébastien, Millennium Productions, oui. Il y a une signature avec, bon, c'est vrai qu'il y a une signature de bébé, donc on pourrait croire que c'est Gérard, mais c'est une imitation, parce qu'il y a marqué, c'est signé du nom de Gérard. Ah, moi je l'ai eu sur le RIB que j'ai pu avoir de monsieur Gérard sur internet. Donc ah bon, c'est une y a mon RIB sur internet depuis quand? Ah bah il y a tout sur vous monsieur. Ouais, Gérard, alors là hein. Si ça arrive je ça... ne veux pas balancer le nom de votre banque mais bon je pourrais. Ouais, ouais bah de toute façon de banque il en a plus si ça arrive ça doit dater de 75 hein. Si il en a une 1,26 monsieur. 1,26 qu'il a dit. Ouais, eh ben rigole bien toi espèce de. Non. Je ne rigole ribole pas, bien. Monsieur. Rigole, t'inquiète pas, Ribole. La cassette, je vais faire une double cassette, je vais retransmettre ça au commissaire. Ouais, on va faire des copies pour tout le monde. Papiers, ouais. Et les papiers avec la fausse signature, et tu sais ce que ça va te coûter. Là, je crois que Attends, Gérard, tu parles dans le vide, il t'écoute pas. Oui, je l'écoute. Non, mais il y a toutes les lignes qui sonnent là. Bah voilà, le standard. Gérard nous fait de la bonne publicité. Bon. Je le remercie. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Bah oui, Gérard, t'as pas été assez dur. Forcément, regarde, t'es en train de. À cause de toi, Gérard. Mais oui, mais regarde-le, ça sonne de partout chez lui, c'est des commandes. Là, c'est la panique complète, hein. Les lignes sonnent. Hein. Et voilà, tout le monde. Eh bien, écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Continuez à vous faire du pognon sur le dos de Gérard. Ah ben, je n'y manquerai pas, monsieur. Je n'y manquerai pas. Vive l'argent facile. Ah, ça vous êtes bien placé pour me le dire. Hein. Et tenez-nous au courant de l'édition numéro 3 des nouvelles cassettes vidéo que vous sortez. Je tiens à vous dire que si un jour vous met la main dessus, ça va bien se passer. Très bien, bah on vous laisse. Suppose, hein, mais n'essayez pas trop de me mettre la main dessus. Hein. On vous laisse. À bientôt, au revoir. Au revoir, au revoir monsieur Gérard. C'est pas avec la main, c'est avec un marteau que je vais te mettre la main dessus. Moi. Bah oui, mais Gérard, t'es trop gentil. Le problème, c'est que les gens continuent à se faire de l'argent sur ton dos quand c'est pas des remix, c'est des cassettes vidéo. Et qu'est-ce que Pilar, il a été balancé tout sur l'internet lui. Je sais pas, mais c'est aussi un peu de ta faute. Tu laisses faire les choses, Gérard. Non, mais Pilar, qu'est-ce qu'il a été. Non, mais c'est un petit peu de ta faute. Tu laisses tout faire, Gérard. Bah non, mais Fidler, il a pas besoin de balancer n'importe quoi sur Internet aussi. Bah oui, mais c'est un petit peu de ta faute, tu te laisses faire tout, Gérard. Bah lui, s'il veut continuer comme ça, bah dans ces cas-là, bah tu fais une chose. Bah je vais le dire. Non, mais tu lui dis merci, et puis dans ces cas-là, bah on coupe les ponts. Mais non, c'est pas à cause de Fidler qu'on va couper les ponts, arrête, ça c'est... Quel pont? Ça c'est ce qu'on appelle de la lâcheté, Gérard. Non, mais si. Mais non, bon, on va en reparler en antenne. Si t'es lâche. Non, c'est pas de la lâcheté. Si, c'est de la lâcheté. Si, c'est de la lâcheté. Fidler, il s'amuse à... Oui, mais c'est parce que t'as un petit différent avec Fidler, parce qu'il donne tes numéros sur Internet que forcément il n'y aura plus de débat jeudi prochain. Ne bougez pas, la suite avec Tom Jones, Sex Bomb et plein d'autres surprises.